Glasgow, mardi 23 mars 2005. J'ai rêvé que j'étais en train de parler avec quelqu'un. Peut-être ma mère. Je lui disais que je voudrais faire un voyage entre l'Europe et l'Amérique en bateau. Ma copine, Manet, avait fait ça dans un bateau de charge que son père connaissait. Et elle est restée dans la cabine du capitaine. La personne avec qui je parle, c'est peut-être un homme aussi. Et il me dit qu'il pourrait arranger ça pour moi. Manet, elle a fait toute la côte du Pacifique, puis la Jamaïque et les îles du Caraïbe, etc. Moi, je voudrais faire Havre, Valparaiso. Finalement, on est prêt à partir, on sort de Valparaiso. La ville est extrêmement belle, comme toujours d'ailleurs, en réparation, pleine d'échafaudages. Comme toujours, on s'approche du quai, j'ai l'impression que c'est assez hostile et il faut foncer. Finalement, on prend le bateau et on commence à naviguer dans la mer. On ne va pas très vite, mais l'aventure a commencé. Je ne suis pas toute seule, il y a des amis avec moi. Tout à coup, on change de transport. Et on est sur une Citroën, deux chevaux qui naviguent sur l'eau. On est tous assis derrière et maintenant on va plus vite. Ensuite, je me rappelle qu'on allait en vélo. Des vélos de course très rapides. Chacun avait son vélo et on pédalait dans l'eau. La mer, c'est magnifique. On va à toute allure. On passe par des ports qui sont un peu délaissés. Et pensez qu'avant, c'était l'empire des poupées en plastique, des poupées géantes de grands divertissements. Mais maintenant, ce n'est que des ruines. On passe vite fait, car on a un voyage à continuer. Je suis quelqu'un, une amie peut-être. On croise des routes. Je suis aveuglée par la lumière et je ne peux pas voir s'il y a des gens qui viennent. C'est le reflet de l'eau qui me permet pas de voir. Mais je continue quand même. Si c'était trop dangereux déjà là, ce serait la merde et on continue très vite à pédaler dans l'eau. On entre dans la terre tout en restant dans l'eau. La terre, la forêt, les autoroutes. Mais tout en allant sur l'eau, tout à coup, un de mes amis voit une affiche chilienne. De l'île de Pâques peut-être, et elle s'arrête. À ce moment-là, il y a un système pour remorquer des voitures dont on peut prendre. C'est un système avec trois pailles en plastique tressées. C'est suffisamment fort pour remorquer une voiture. Elle en prend un pour, dans le cas où. Moi, je veux continuer pour ne pas perdre l'inertie, l'allure du vélo. Je continue maintenant sur l'autoroute.